Le cimetière, de poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le cimetière. Sous ce terrain perdu que les folles avoinent et les chiens dents et les safouins couvrent de verre, on enterrait, voici 4 siècles, des moines. Les mains jointes, le front du capuchon couvert, le corps enveloppé de la pudeur des laines. Ils s'endormaient dans un calme sacerdotal, et rien ne leur venait ni des mers ni des plaines, qui pût troubler leur long sommeil horizontal. Alors, comme aujourd'hui, les larges moissons mûres charriaient leurs marées autour des loins d'argent, où luisaient des clochers ainsi que des armures, l'enclos funèbre avait le même aspect changeant. La terre aux creuses était de mica chatoyée, la même croix d'airain que midi faisait d'or, tenait sur ses grands bras sa douleur déployée, et semblait un oiseau qui prend un tel essor, qu'il atteindra le ciel d'un seul coup d'aile immense. Depuis, les morts nouveaux ont écrasé les vieux, et toujours cet enclos que le deuil ensemence s'étend, vierge et muet, vide et silencieux, mêlant et remêlant les cendres aux poussières, les défunts aux défunts, les débris aux débris, sous le même soleil et les mêmes prières. Toujours les blés houleux entourent son mur gris, toujours sous le manteau de ses folles avoines, de ses chiens dents soyeux et de son gazon vert, il tient caché les corps des abbés et des moines, les mains jointes, le front du capuchon couvert. Et cette antiquité de deuil réglementaire, ces mêmes morts toujours à d'autres succédants, qui rendirent jadis cet enclos légendaire, ont maintenu, dans notre âge de doute ardent, autour du deuil chrétien de ces trépas superbes, mystérieusement couchés dans ce coin noir, les mêmes bruits pieux de vent parmi les herbes. Et d'oiseaux clairs rythmant leurs chansons dans le soir, pourtant, par les beaux mois d'été glacés de lune, sous un ciel reluisant d'or et d'argent poli, ce lieu répand encore sa hantise importune. Et lorsque les brouillards montent du sol pâli et s'étendent sur les tombes en blanc suaire, on voit, là-bas, de grands moines se rassembler, se saluer le front par terre et s'en aller, par la vague terreur de la nuit mortuaire. Fin de Le cimetière.